Chapitre 15. 8 jours plus tard, une nouvelle bien étrange se répandit dans Chartres, avec la rapidité propre aux mauvaises nouvelles. C'était précisément à la fois jour de tribunal et jour de marché. Les gens s'abordaient sur les places en se disant « Savez-vous que Juste André vient d'être arrêté sous l'inculpation du meurtre de sa femme ?»« Rose Rosier, l'actrice ? » ?»« Parfaitement. » »« Vous vous souvenez qu'il avait fait un voyage à l'étranger ?»« Oui. » »« Elle était allée le rejoindre ?»« Précisément. » Il avait écrit, lui donnant rendez-vous dans un endroit écarté, il paraît qu'il l'a tué, et puis il est revenu tranquillement à ses affaires. Ce n'est pas possible, ce jeune homme qui avait l'air si convenable. Tout ce qui est reluit n'est pas or. Moi, j'ai trouvé singulier ce ménage où il y en avait toujours un qui courait après l'autre. Dès que monsieur était parti d'ici, madame décampait. Ah, mais s'il l'a tué, il avait peut-être bien ses raisons. Je ne vous dis pas le contraire, mais remarquez la préméditation. Il l'aurait trouvé n'importe où. À Paris, dans un hôtel, il aurait bénéficié des droits que lui donne la loi. Mais l'avoir entraîné dans un pays éloigné pour s'en débarrasser sans témoin, voilà ce qui rend sa situation très mauvaise. Et ce qui l'empire encore, c'est que loin de déclarer le décès comme l'aurait fait un innocent, il l'a caché, et ce n'est que 3 mois après qu'il l'a annoncé. De plus, s'il vous en souvient, pas de service funèbre, pas de lettre de faire-part. Cela se comprend assez dans l'état où il se trouvait le pauvre garçon. Enfin, il bénéficiera peut-être des circonstances atténuantes, à défaut de mieux. Et l'on se séparait en riant. C'était vrai. Une pluie de dénonciations était tombée à Paris, un peu partout, au hasard, dans des administrations qui n'avaient rien à voir avec cette affaire. Tous ces papiers, écrits de la même main, dans un style à peu près semblable, concluaient à cette question. Pourquoi M. André a-t-il caché la mort de sa femme pendant si longtemps? Il avait donc intérêt à ne pas laisser retrouver le corps. Brigitte eut pu dire combien de nuits d'insomnie lui avait coûté ses feuilles anonymes. Seule aussi, elle eut pu révéler combien d'ouvrages malsains, d'aventures bizarres, d'affaires judiciaires, vraies ou fausses, elle avait imposé à sa mémoire depuis quelques années, à l'insu d'une mère négligente qui lui laissait lire tous les feuilletons et tous les livres qui lui tombaient sous la main. Dans la solitude d'une ville peu animée, dans les journées de travail muet, la jeune fille s'était forgée un roman. Ceci n'est pas un crime, car toute jeune fille a le droit de rêver à son avenir et de se le représenter aussi beau qu'elle peut l'imaginer. Pour la plupart, hélas, ce rêve est la meilleure partie de leur existence, désormais terne et décolorée. Mais il ne faudra pas permettre à l'imagination de vagabonder au-delà des strictes limites du devoir et de l'honneur, car alors on tombe dans les aventures les plus périlleuses. Brigitte n'avait jamais eu qu'une très faible notion du devoir et pas la moindre idée de l'honneur. Son ambition, flattée un moment par les projets chimériques de sa tante, s'était élevée avec joie vers ce beau jeune homme, bien mis, aux mains fines, aux manières aristocratiques. C'était une espèce de prince charmant, et elle se croyait digne de n'importe quel prince. Mais lorsqu'elle s'était vue dédaignée, bien pire encore, quand elle avait pu comprendre qu'André l'avait à peine vue et pas du tout remarquée, elle avait éprouvé une terrible colère, et le besoin de la vengeance s'était emparé d'elle. À l'amour-propre, cruellement blessé, se joignait encore une sorte de curiosité malsaine, de désir maladif d'avoir de l'importance, de jouer un rôle, d'être la main de la destinée. Sentiment fort semblable à celui qu'a quelquefois poussé les enfants à faire dérailler un train. C'est là ce qui avait mis dans la main de la petite Brigitte l'arme redoutable et monstrueuse de la dénonciation anonyme. La justice avait dû être saisie de la question fatale. Pourquoi André avait-il caché le meurtre de sa femme? En effet, pourquoi, là, était le mystère? Le jeune homme avait beau répondre que ses sentiments personnels de pudeur morale froissée, de honte et de dégoût pour une si triste aventure, lui avaient imposé le silence aussi longtemps que cela avait été possible. Pour comprendre de tels sentiments, il fallait se mettre à sa place, et c'est ce que la justice, impersonnelle et impassible, ne pouvait pas faire. Le juge d'instruction plaint cependant de sympathie pour l'étrange position de cet accusé qui avait provoqué sa propre accusation, lui avait donné les plus grandes facilités pour fournir des explications. Mais André n'en avait aucune à offrir. Il pouvait raconter les faits simplement tels qu'il s'étaient passés, avec l'accent de la plus grande sincérité, mais il ne pouvait rien faire de plus pour sa défense et les faits l'accusaient. « Je suis désolé », lui dit enfin le juge d'instruction, qu'il avait fait demander à son cabinet sous une forme officieuse, « mais je suis contraint de vous garder sous la main de la justice jusqu'à un supplément d'informations. » André pâlit. Les paroles que Langlois lui avait dites lui apparurent comme une prophétie qui allait se réaliser. C'était donc vraisemblable qu'il eût tué Rose. Cette idée, qui lui avait d'abord paru horrible, absurde, ridicule, pouvait entrer dans des cerveaux humains, prendre une forme plausible, et se manifester au jour sous la forme d'un acte d'accusation. Il prit sa tête dans ses mains et se demanda s'il devenait fou. Pendant qu'on le conduisait à la cellule qu'il devait occuper, il revit dans sa pensée la scène de Dauphrigny, le fleuve rapide, le jour baissant, les yeux méchants de Rose qui le bravaient audacieusement, et un tel flot de colère lui monta à la tête qu'à l'instant il se demanda si vraiment ce n'étaient pas les autres qui avaient raison, si réellement il n'avait pas poussé dans le gouffre son épouse infidèle. « Mais non !» se dit-il en passant la main sur son front. « Je perds la tête. Il faut que je voie Langlois. Et Marguerite, mon Dieu, que va dire Marguerite ?» Il écrivit aussitôt quelques mots hâtifs qu'il adressa au docteur, et attendit d'abord avec une fiévreuse impatience, puis dans une prostration indifférente, l'arrivée du seul ami qui put lui donner un conseil utile. Il ne vint que le soir. La journée s'était écoulée sans qu'il pût accourir près d'André. « Tu ne le crois pas, toi ?» lui dit le jeune homme en l'apercevant. Pendant un millième de seconde, Langlois scruta les yeux de son ami. « Non, » dit-il d'un ton ferme, « non, je ne le crois pas. Mais tu l'as cru, je l'avoue. Je suis désabusé maintenant. » Et elle, Marguerite, l'a-t-elle cru ? Jamais. Ils se prirent les mains et se les serrèrent avec force. « À présent, » reprit André, « dis-moi avant tout comment Marguerite a supporté cette nouvelle. »« Admirablement, » répondit le docteur, « il faut te dire que je l'y avais un peu préparé. » Il me semblait invraisemblable que cette affaire finisse en quelque désagrément. Tu dois te rappeler que j'y avais fait allusion le jour que je t'ai engagé à commencer les démarches. Depuis, nous n'avons jamais parlé de toi sans émettre cette idée comme une éventualité. Qu'a-t-elle dit ? Interrompit André. Dites-lui que je l'aime, voilà tout. C'est un caractère, cette jeune fille, mon ami. Je ne la croyais pas capable d'une telle force d'âme. André couvrit les yeux de sa main. Elle doit bien souffrir. Dit-il à voix basse, certainement, mais l'amour est le plus souvent fait de souffrance. C'est ce qui lui donne tant de force dans les âmes courageuses. Parlons de toi. C'est de parler d'elle qui me donne de l'énergie, répondit André. Mais tu as raison, parlons de moi, que dois-je faire? Invoquer le plus de témoignages possibles en les choisissant bien, toutefois. Et à ce propos, dis-moi, as-tu conscience d'avoir jamais blessé mortellement quelqu'un qui voudrait se venger? Non. Répondit innocemment André en cherchant dans sa mémoire. « Pourquoi ?»« Parce que tu as été dénoncé. Tu ne le savais pas. »« Je l'ignorais. »« Je pensais que c'était mes propres démarches qui m'avaient attiré ce... » Il détourna la tête. Pour la première fois, le sentiment réel de son malheur venait de le saisir. « Tu as un ennemi. Une ennemie, peut-être. »« Florence ?» suggéra André. « Cela m'étonnerait bien de sa part. Cependant... »« Elle sera entendue. » Le tout est de savoir si ce sera pour te charger ou te décharger. J'ai conservé, par bonheur, le récit des événements que tu m'as fait lors de ton retour. Je le produirai en son temps. D'ici là, je verrai tout le monde. Charles, dit tout à coup André, je n'ai pas mérité l'amitié que tu me témoignes, le dévouement dont tu as fait preuve. Quelle âme est donc la tienne pour que tu sois un ami si admirable? Langlois resta songeur. Les yeux d'André l'interrogeaient pleins d'émotions mal contenues. « J'ai une grosse part de responsabilité, dit-il. Je n'aurais pas dû te laisser épouser Rose. Je pouvais t'en empêcher. Je ne l'ai pas fait. J'avais pour me taire des motifs graves. Je ne puis encore te les dire, ajouta-t-il, prévenant la question inquiète de son ami. Un jour, plus tard, quand nos peines seront finies, je te dirai peut-être ce qui m'a fermé la bouche. Mais tu peux comprendre maintenant que me sentant responsable dans une certaine mesure d'un événement que j'aurais pu prévenir, je me sens obligé de concourir à ta délivrance. » « Je comprends, » fit André, « que tu as sous ton enveloppe de raisonneur glacial l'âme la plus chaude et la plus généreuse. » Langlois sourit. « Allons, » lui dit-il, « bon courage. Et surtout beaucoup de patience. Ne te laisse pas dominer par tes nerfs. Au début, il est bien rare qu'on ne soit pas maître de ses nerfs, en n'importe quelle circonstance. Mais les nerfs sont comme des chevaux difficiles, qu'il faut toujours avoir bien en main, toujours regarder entre les oreilles. Si on a la faiblesse de cesser de les surveiller un instant, il n'y a plus moyen de les rattraper, et alors tout décampe. J'ai une théorie, vois-tu. Si les fous s'apercevaient qu'ils deviennent fous, il y en a un tiers qui reviendrait à la raison. Et les deux autres tiers ? Langlois fit un geste qui signifiait qu'il ne répondait pas de cela. Je te préviens, reprit-il, que la prison c'est très mauvais pour les nerfs. Tâche donc de ne pas te laisser démoraliser. Je t'engage même à ne pas t'occuper de ton affaire. Demande tes plans, travaille, fais des mathématiques, lis des romans, pas des romans judiciaires surtout. Et je crois que dans peu de temps, tu sortiras d'ici aussi sain de corps et d'esprit que tu y es entré. Tout cela, mon ami, c'est une affaire de nerfs. » Il serra la main d'André et le quitta sur ces paroles rassurantes.